Hola, por favor, comido y esquí. Aló, aló. Come on, Mugos. Casse-moi, mais le kit personne ne l'est pas. Je suis dans le bloc, prends des coups de taser, j'en ai marre. Fuck les cops et tous les CRS. Si ça vend ma gueule, c'est pour quitter la hesse. Vends de la zupette, ça rapporte plus. Casse dans les chaussettes et frites-toi une puce. Elle s'abonne à moi, elle s'abonne à moi. Elle pense c'est moi qui gère, elle pense c'est moi qui gère. Je la vois sur sex model, je la vois sur sex model. Oh la pute, elle s'achète du chat, elle fait la bête. J'ai des M, ta meuf maintenant elle fait la folle. Oh la puce, ha, ha. Elle est vite, je m'attends, je la jette. Je suis dans le bloc, mamie. Je fais bouger ta folle. Je suis dans le bloc, mamie. Je fais bouger ta folle. Ouh la la la. Les produits Sephora, oulala. Fais du Gucci Louis V, oulala. Les bijoux Van Cleef, oulala. Mais elle en aura pas, la la la la. Glop glop, t'as fait le fou, ne t'en va pas. J'suis dans le bâtiment, on est des enfants de pauvres. Hey, chez nous même pour du salon de pauvres. Ouais, comme les trois singes, personne ne loue. Posé sur le terrain, les bornes tournent dans la soudade. Fais pas le parrain, ma gueule on sait que t'as pas un. Couper la coca de le couper, la gamme n'est pas comme une toupie. Tout comme le corps de ta poupée, ça fait la sorte, pas qu'elle toupée. Maman si cassé la cité, prêté, je te mets sur le côté. Voilà ma tête, j'ai pris des sous, jalouse de la vérité. Maman si cassé la cité, prêté, je te mets sur le côté. Voilà ma tête, j'ai pris des sous, jalouse de la vérité. Ouh là là là. Les produits Sephora, ouh.